L'actualité à Nancy et ailleurs. Le 13 juin, le château de Jaulny sera le théâtre d'une journée art et terroir. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Aurore Thiébaud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes propriétaire du château de Jaulny, pas toute seule, hein, aussi avec votre compagnon Emmanuel Pénétra. Et vous avez acquis cette bâtisse classée au monument historique depuis peu. Expliquez-nous, avant de parler de cette journée du 13 juin, bien sûr, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ? Eh bien, c'est vrai que c'est une aventure pas commune. C'est une amie qui nous a renseigné sur ce point et qui nous a dit que ce château n'est pas banal. Il a vraiment une histoire assez grande. Et notamment, on dit que Jeanne d'Arc ne serait pas morte et qu'il y aurait une certaine Jeanne des Arcs qui aurait séjourné. Ça pique notre curiosité et surtout, ça rencontre un projet de vie de couple qui nous paraît vraiment hyper intéressant du point de vue, déjà, de ce que l'on aime par-dessus tout, c'est-à-dire l'animation médiévale, la danse médiévale, la musique, et également faire revenir, restaurer l'histoire des vieilles pierres. Voilà, donc une seconde vie hein, pour ce lieu qui est donc classé monument historique depuis 25 ans hein, déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui vous attend. Oui, il y a beaucoup de travail, et c'est aussi un petit peu l'histoire de ce château qu'il faut remettre en avant, sur lequel il faut vraiment prendre soin de restaurer. Par exemple, on a le toit, qui est quand même classé également, la terrasse qui souffre un peu, qui subit des infiltrations puisque le toit fuit. Donc c'est vrai qu'il s'agit surtout là d'un sauvetage et c'est pas pour nous faire peur. Nous on se dit que effectivement on va apporter notre petite pierre à l'édifice et puis on attendra aussi du soutien bien sûr des élus, de la communauté de communes, de la mairie, c'est déjà le cas, mais aussi de la DRAC qui avec peut-être son soutien sur des subventions monuments historiques, va certainement nous aider à faire la réfection de ce toit. C'est en cours d'ailleurs. Nous avons initié les études et elles sont actuellement en cours. Donc c'est pas pour nous faire peur et en même temps, il faudra probablement des années. Sûrement, mais on sent dans votre voix toute la motivation en tout cas pour redonner vie encore plus à ce lieu. Il va prendre vie un peu plus encore le 13 juin avec cet événement que vous organisez, avec une journée art et terroir. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui nous attend dans les grandes lignes ce jour-là ? Je crois qu'il y aura des concerts. Hein. Effectivement, alors cette journée-là, ce sera donc la première journée d'animation depuis la réouverture, en tout cas notre reprise du château. Donc ça lancera les hostilités, si je puis dire, et surtout les festivités pour tout le monde. Il s'agira notamment, en premier lieu le matin, d'y trouver des exposants, des artisans. La première chose, ce sont tous ces artisans qui seront dans le parc, visibles. Et puis l'après-midi, nous aurons effectivement un concert, donc des moments plus festifs. Et nous avons invité, avec l'association qui est organisatrice avec nous, les paillettes de Richemont. Nous avons effectivement fait venir les Forbans, le groupe, vous savez. Ah oui, ça rappellera des souvenirs. Chante, danse, mets tes baskets. Voilà, ces vieux Forbans qui nous ont fait danser. Donc nous avons le plaisir de les accueillir et seront donc au moment du clou du spectacle, je crois vers 17-18 heures. Mmh. Et puis nous avons également en avant-première le groupe La Tisane, qui est un groupe de chansons françaises. C'est une présentation dans les grandes lignes. On peut inviter les auditeurs à se rendre sur votre page Facebook pour découvrir plus en détail ce qui nous attend le dimanche 13 juin. Le château, il y aura aussi peut-être d'autres occasions de le découvrir. Vous prévoyez des visites? Comment vous prévoyez les choses pour les semaines, les mois à venir? Alors effectivement, là nous sommes en pleine ouverture pour les sorties scolaires. Donc c'est vraiment la première chose qu'on voulait lancer et ça y est, c'est parti, ça fait une semaine que ça va son plein. Nous accueillons des écoles tous les jours et puis la seconde étape pour nous, ce sera donc l'ouverture du musée et de notre buvette. Alors nous sommes d'ailleurs en train de faire un sondage en ce moment pour connaître le nom, pour réfléchir tous ensemble au nom que nous allons lui donner. Ça s'appellera probablement la Taverne de l'Armoise. Et ce musée sera donc ouvert courant juin. En tous les cas, pour le 13 juin, il sera ouvert. Ça, ce sera notre deuxième étape. Et puis, la troisième étape, c'est bien sûr l'accueil de mariage. Donc, de tous ceux qui veulent y faire, dans ce château, un événement, fêter une fête personnelle, familiale. Et voilà, ça c'est notre étape 3. Il y en a d'autres. Voilà, ça se permettra aussi de ramener un peu de subsides pour remettre en état le château, bien entendu. Eh oui, vous avez tout compris, c'est exactement ça. C'est un plan qui se prévoit à court terme, mais aussi à moyen terme. Et il faut bien effectivement multiplier les idées d'animation pour pouvoir récupérer le subside nécessaire. Mais on est déterminé, on y arrivera. On ne sait pas quand, mais on y arrivera. Alors rendez-vous le 13 juin déjà pour découvrir à l'occasion de cette journée art et terroir ce lieu, le château de Jaulny. Merci beaucoup Aurore Thiébaut. Merci à vous, merci Radio Fudget. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.